Chapitre 5e. La fée demande à boire à Suzanne. Or, la fée Aurore courut toute une année le monde pour trouver un pied à la pantoufle. Elle s'en revint désespérée d'avoir perdu tant de temps. Elle passait près de la maison de Suzanne au Coquelicot, mourant de soif et n'en pouvant plus, car la montagne était rapide. Sur le seuil de la porte, elle vit tout à coup la jeune paysanne. « Ma fille, lui dit la fée, voulez-vous me donner à boire ?»« Je n'ai que de l'eau fraîche à la source de la montagne, dit Suzanne au Coquelicot. « Mais si vous voulez, ma bonne femme, nous irons dans le verger, où je vous cueillerai la plus belle pêche qu'on ait jamais vue sur un espalier. »« Allons dans le verger, » dit la fée, qui avait ses heures de gourmandise.